Qu'est-ce que je fais sur la scène? Pendant que le temps s'arrête pas de courir comme le lapin Duracell. Un peu traumatisé par cette vie, par les silences et les plates pattes où on voyait trop l'assiette. Papy m'a vu sur la chaîne, il m'a dit c'est un bug, la télé déconne, ça fout la flemme. Y'a pas longtemps il est parti, sans prévenir personne, avec une cigarette qui brûlait comme un cierge. J'parle un peu trop fort et je veux plus qu'on la ferme jamais. Mamie s'est brisé le cœur en tombant dans les escaliers. L'orage le laisse parler, le temps nous blesse. On pourrait croire que la vie nous teste. Les coups durs c'est comme les vieux, je laisse passer. Beaucoup d'amour, pas beaucoup de degrés Celsius. Trajectoire floue comme les ballons quand la balançoire faisait le but. Faudrait que tu manges un petit truc, ma mère elle dira toujours ça. Pour toi j'aurais toujours faim et sans toi j'aurais toujours froid. Rien n'a changé, y'a des enfants dans les tôles. Je viens de là où tu t'en doutais pas, mais t'as un oncle dans les rôles. Histoire de promesses sous le préau, de poussière sous le tapis. Je suis bien élevé, mais je dirais des gros mots toute ma vie. Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes crises que toi. Je laisse couler les larmes, je fais fuir le diable. Pareil que les miracles n'existent pas. N'existe pas, j'ai déjà passé un entretien en Kipsta, j'ai eu le job. Donc je crois en tout comme les fous, je crois en moi, je crois en nous. Je crois pas les mecs en costume ou que la branlette, ça rend sourd. Je rappe comme un salopard, on s'est lavé dans des bassines comme 25G dans le clip de Cabochard. J'ai peur qu'on me laisse tomber, j'aime pas quand elle me dit à l'occasion. Ma mère, elle veut pas de cadeau, elle veut juste que je sois pas en retard. Je me réveille, j'ai toujours le même poids sur les paupières. 10 minutes dans l'eau bouillante, je mets toujours le même pot sur les coquettes. Trop fier pour négocier comme quand papy payait trop cher. Trop fier pour pas se relever après le crochet, j'étais fauché comme les blés. Ma vie ça coupe comme l'épée. On est tombé, on est revenu avec une envie de tout baiser. Elle a vu ma gueule toute blessée et elle m'a trouvé beau. Ma gueule même quand t'es tout zéro, y'en a pour quitter le grand héros. Je suis fatigué et je sens le bédo. Nique sa mère, ça pue plus la défaite. J'écoute pas mon président, j'écoute les histoires de la caissière. Le juge et la greffière et leurs airs dont vous l'avez dit. Je vous souhaite des heures d'embouteillage dans une voiture qui coûte les acédiques. Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes crises que toi. Je laisse couler les larmes, je fais fuir le diable. Pareil que les miracles n'existent pas.